titre de Cachemire, on est exclu dans le Before Party Fun. Et ben il est pas mal ton kiff ce soir, Adrien. Merci, merci, je l'adore ce morceau, je suis ouf déjà. Est-ce que Karel et le Doc aiment bien ce nouveau titre de Cachemire? Bien sûr, mais complètement. Attends, on est addict, tu nous as pas vu danser? Non. Regarde. Ah oui, mais le titre est fini par contre. Je crois qu'il y a des auditeurs en plus qui sont dans le studio. Karel, est-ce que tu penses que Cachemire aime bien le coton ou J'y vais. Moi, je pense qu'il faut que tu t'en ailles. Je pense que c'est fini là. Oh là là. Tu veux arrêter ta carrière là-dessus, vraiment? Non, mais je pense qu'il va y avoir un challenge. Le roi de la blague pourrie. Ah oui? Bah, c'est JB. Ah bah, ça c'est sûr. Merci. Mais bon. C'est tout. Non, mais attends, tu veux qu'on t'applaudisse? Tu veux qu'on. Bah. On va pas faire ça. Bravo JB, bravo. Regarde, les auditeurs applaudissent aussi qui sont dans le studio là. Merci. Ils sont gentils, hein. Si jamais vous avez besoin d'un chroniqueur, il est disponible. Ou alors, après 20h. Ou alors, peut-être que Cachemire préfère la laine. Allez. Ah, mais putain, JB. Salut, merci beaucoup. Quand elle pue. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. L'équipe de Lovin Fun est de retour. Vous ne les connaissez pas. Doc, un vrai médecin. Bah, j'aimerais savoir si le doc est vraiment un docteur. Mon métier, c'est simple, je suis médecin et pédiatre. Voilà. Karel, le roi des Pokémon. Appelez-moi Karel Chou et venez me défier dans mon arène. Alice est devenue pilote en Italie à bord de sa nouvelle décapotable. Buongiorno. Y cherchez la direction de Fun Radio, per favor. C'est-à-dire que là, vous êtes à Clermont-Ferrand, madame. Lovin' Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Bien sûr qu'on est là. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Très heureux de vous retrouver. J'espère que la journée a été plutôt cool. On ne parle que de ça en ce moment. La rentrée, c'est demain. La rentrée, c'est vendredi. Ce soir, on va se détendre justement. On va essayer de se replonger dans ces grands moments de vacances qu'on a eu. On va délirer là tous ensemble. On est là pour vous tous les soirs sur Fun Radio. C'est une vraie libre antenne qu'on fait tous ensemble tous les soirs sur Fun au 01 42 48 5000. Alors ça, c'est le numéro de téléphone, hein, si vous voulez passer sur l'antenne avec nous. Ici, vous pouvez tout dire, venir vous lâcher là au standard, demander des conseils. On a un vrai médecin qui est avec nous bien tous sûr, les soirs. Je suis toujours là. C'est notre expert. Salut à toutes et à tous. Bonsoir Doc. 2 heures ensemble, le top. T'es tellement classe en ce moment, qu'est-ce qui t'arrive Doc? C'est pas, il y a un mec qui va filmer ce soir. Non, c'est vrai qu'on est filmé ce soir. Non, mais moi je me posais une question Doc, parce que c'est vrai que tous les jours t'es classe, etc. C'est depuis que t'as rencontré Katoche et je me demandais si c'est pas Katoche qui met tes vêtements, tu sais, sur une chaise le matin quand tu te réveilles. Ah ouais, il y a moyen. C'est Katoche qui t'habille maintenant. Évidemment. Hein. Oh là là. Sans déconner. Ah, c'est la chance. Hein. Ah bah ouais. T'aimerais bien être comme moi. Hein. Parce que celle qui t'habille le matin, je vais te dire, mais bon. Alors ça c'est... Allez, c'est gratuit. Bon, ça va, j'ai un t-shirt et un jean. Alice, ça va? Parfait, incroyable. Les couleurs vont bien ensemble. Rappel de bleu, ça fait ressortir tes yeux. Incroyable. Donc c'est toi. Donc c'est Alice qui choisit. C'est bizarre quand même. Ah c'est bizarre, hein, t'as raison, c'est bizarre. Ah ouais. Comment ça va Alice? Bah écoute, ça va très bien. Je suis déjà connectée sur les réseaux sociaux. Donc je vous attends sur le Facebook, le hashtag Love in Fun, Snapchat sur Love in Fun Radio et Instagram. Et Alice a été incroyable hier dans le défi, fallait pas demander. D'ailleurs, si vous voulez revoir ce grand moment, c'est sur la page YouTube de l'émission. Les filles, elles vont se méfier d'elle. Elle attaque dur. Hein. Le défi, fallait pas demander, on le fera bien sûr tout à l'heure dans l'émission avec des extensions de World of Warcraft, Légion à gagner. Mais d'abord, et on le fait maintenant tous les soirs, on accueille une autre auditeur du soir qui va faire l'émission avec nous pendant les 2 heures. Et je suis très content d'accueillir Cyril. Cyril, 16 ans de Châteauroux. Salut. Bonsoir Cyril. Bonjour nous. Salut Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut. Bonjour nous Cyril. Auditeur du soir. Comment est-ce qu'on fait pour devenir l'auditeur du soir chaque soir? Faut appeler le 01 42 48 5000 ou lovinfun@funradio.fr. Et pourquoi tu voulais faire de la radio avec nous ce soir Cyril? Parce que je kiffe la radio, parce que je kiffe Lovin' Fun et parce que je te kiffe tout simplement. Parce que ça veut dire qu'il veut prendre ta place. Bon, il a 16 ans, encore quelques années. Hein. Bien sûr. Alors on va accueillir avec toi Cyril, notre premier auditeur aussi, c'est Ludo, 25 ans de Paris. Bonsoir Ludo. Bonsoir. Salut. Salut. Alors, Ludo, c'est une histoire qui s'est passée hier dans l'émission. Ouais. C'est une histoire qui s'est passée hier dans l'émission. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et ce soir, on s'était dit que voilà, on allait te rappeler en début d'émission pour voir avec toi si c'était possible de l'appeler. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, qu'est-ce qui s'est passé sur Fun? En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon plan cul est enceinte. Ouais. Et ma nana ne le sait pas. Ouais. Et ton plan cul ne sait pas que t'as une nana. Voilà, c'est ça. Et elle est enceinte de 3 mois et demi. De 3 mois et demi. Et je l'ai appris dernièrement. Voilà. Et tu voulais appeler ton plan cul pour lui annoncer que tu avais une femme. Que j'avais une nana et voir comment on peut résoudre le problème. D'accord, parce que toi, tu nous avais dit hier, et j'y ai repensé, hein, franchement, c'est difficile comme situation, que tu voulais pas de cet enfant. Ouais, c'est ça. Ah, tu veux pas. L'interruption de grossesse n'est plus possible, on est d'accord ? Donc, ouais, il va naître, ce bébé, il va naître. Ce bébé, il va être là, donc après, Doc, dans ces cas-là, on reconnaît l'enfant ou on ne le reconnaît pas ? On ne le reconnaît pas, sauf que la mère peut faire une procédure de reconnaissance dans les 2-3 ans, et de toute façon, l'enfant, le jour de ses 18 ans, peut faire une recherche de paternité, demander une recherche de paternité. Et puis, Ludo, moi je suis papa, c'est tellement énorme d'avoir un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle va dire l'autre ? Ouais, ça c'est encore autre chose. La régulière. Ça c'est encore autre chose. C'est pas facile. Mais la régulière, en plus, il faut quand même dire que la régulière ne savait pas, c'est bien ça, hein, Ludo, que tu avais un plan cul. Voilà, c'est ça. Et à la base, elle sait pas que tu la trompes. C'était vraiment un plan cul. Voilà, ouais, non, mais d'accord, mais elle sait pas que tu la trompes. Mais l'enfant, il a rien demandé, ça va être un petit bout de chou, enfin, ça va être. Tu vois, c'est très compliqué. Alors, on appelle le plan cul. Qui a un prénom peut-être. Comment elle s'appelle ? Justine. Justine. Je préfère le prénom au. Ouais, bah oui. C'est mieux. C'est une future maman quand même. Ouais, voilà, oui. Voilà, tu as raison Alice, appelons-la Justine. On va l'appeler, Ludo tu vas lui annoncer. J'espère que ça va bien se passer. Le parce que là, de votre on rappelle quoi, tout de suite. C'est un mauvais numéro je pense. Je pense que Guillaume au standard avec ses doigts de fée a fait une petite erreur de touche. Allez, on appelle. Le téléphone de votre correspondant a changé. Non c'est ça peut-être on essaie de rappeler là tout de suite. Ludo, j'imagine que t'es en pression là. Tu te détends, ouais. Hein, d'accord ouais. Ça fait combien de temps que tu es avec ton plan cul pardon, Justine. Ça fait 3 mois et demi. D'accord. 3 mois et demi, et ta copine, tu es avec elle depuis 3 ans, 6 ans, 5 ans, je sais plus. 6 ans, c'est ça, ah oui. Ouais. 3 mois et demi, donc en fait, tu as couché avec elle, elle est tombée enceinte direct, quoi. C'est ça. Ouais, oui. Pas direct, assez directement, oui. Oui, ouais, c'est ça, dans ce genre de situation. En même temps, tu n'as pas mis de préservatif, c'est un plan cul, enfin bon, bref. On appelle là tout de suite une ligne sécurisée. Je rappelle que nous avons deux standards. La ligne qui est directement reliée à l'Elysée pour pouvoir passer en priorité nos appels nationaux et départementaux. N'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Alors, Justine, a priori, n'est pas disponible. C'est la première fois que j'entends ça sur un téléphone de particulier. Hein. C'est-à-dire que généralement, c'est. Éventuellement, je peux vous redonner le numéro de téléphone hors antenne. D'accord. Bon, tu vas donner le numéro de téléphone hors antenne, d'accord, Ludo ? Ouais. Ok, et on va te reprendre juste après. D'abord, on va accueillir Mickaël qui est avec nous, 20 ans de Vesoul. Bonsoir Mickaël. Salut Mickaël. Salut Karel, salut tout le monde. Salut à toi Mickaël. Tu vas bien ? Ah oui, et toi ? Bah tranquille, t'es dans ta voiture là. Oui, oui. Ah, et t'appelles pourquoi Mickaël ? Bah en fait, je voudrais savoir, est-ce que c'est normal que quand je jouis, ça coule au lieu de sortir en pression ? Oui, j'ai une explication, je la saurai tout à l'heure. Ah bah une bonne. Je pense que j'ai une explication. Une bonne petite mousse, comme on dit. Hein. Voici Sigala sur Fun Radio et Give Me Your Love. Selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Give me your love. you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Gala, give me your love sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Avec Ludo, 25 ans de Paris, dans Love in Fun, on vient d'essayer d'appeler ton plan cul, Justine. Hein. Ludo, oui. Ça ne décrochait pas. On va tout de suite essayer de la rappeler. Je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Ludo, voilà, il a une femme, il a aussi un plan cul, et ce plan cul est tombé enceinte. Voilà, il y a un bébé qui va arriver. Trois mois et demi. Interruption de grossesse, plus possible. Voilà, et tu veux lui annoncer qu'en fait, tu as une copine. C'est ça. On appelle tout de suite. Et oui, ça sonne maintenant. Justine. Ouais. Allô. Allô. Allô, allô Justine. Mm-hmm. Bonsoir, oui, Justine. Allô. Bon, non, Ludo, t'as pas dit allô, donc c'est moi qui vais lui parler. Justine, bienvenue dans Love in Fun, t'es en direct sur Fun Radio, Justine. D'accord? Ok. On est avec Ludo, qui est avec nous. Oui. D'accord, il souhaitait te parler. Est-ce que tu es d'accord pour l'écouter? Ouais. Ok, bah je te le passe. Ludo, c'est à toi. Ouais, allô? Allô? Ouais, ça va? Ça va, ça? Ouais. Bon, pas trop. Dis-moi, dernièrement, donc tu m'as annoncé donc que tu étais enceinte. Ouais. Ouais. Au début, notre relation, c'était en mode plan cul. Mm-hmm. Voilà, donc je t'avais dit que je voulais pas me poser, tout nanana, donc voilà. Et en gros, si je voulais pas me poser, c'est parce que je suis en couple. Ok. Ok. Okay. Ouais. Ouais. Donc je suis en couple donc depuis. Non, je suis en couple depuis 6 ans et pour moi je pensais pas du tout aller tomber enceinte vu que tu m'avais dit que tu avais un implant et tout. Bon, enfin bref. Et donc en gros donc là aujourd'hui j'ai appelé donc Fun Radio pour essayer de trouver une petite solution avec toi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je vais faire? Pardon, Justine, on t'entend très très mal, Justine. Ouais, je sais, je suis en train de conduire. En train de conduire, d'accord. Est-ce que tu peux t'arrêter? Peut-être. Parler directement sans micro. Oui. C'est assez important parce que, voilà, Ludo nous a raconté la situation. Il y a un bébé qui a 3 mois et demi. Enceinte de 3 mois et demi. Oui, mais moi, il est déjà là pour moi. Mais bien sûr, il y a des choses comme ça, mais bon, quand même. Et voilà, et j'imagine que pour toi, c'est énorme et tu t'attendais peut-être à quelque chose d'autre avec Ludo. Tu t'es arrêté, là, c'est bon? Non, pas encore. Il faut vraiment que tu t'arrêtes pour bien poser ton téléphone parce que je crois que la situation est importante. Savoir ce que tu en penses, comment tu envisages la situation, parce qu'on sait que tu ne peux que le garder puisque tu es enceinte apparemment de 3 mois et demi, c'est ça? Voilà. Comment? Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que visiblement, Ludo ne va pas quitter sa copine, enfin, en tout cas sa femme, pour toi. T'as compris ça ou pas? Oui, c'est ce que je viens d'essayer de comprendre. En tout cas. Mais tu pensais qu'en lui annonçant que t'étais enceinte, qu'il allait donc venir vivre avec toi, ou en tout cas faire quelque chose comme ça, c'est ça? Potentiellement, oui, mais après, toute chose est envisageable. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux garder le bébé, que tu vas l'élever toute seule, c'est ça? Bien sûr. Ouais, ok. Très bien. Donc, ça, c'est important. Et Ludo, tu as compris ça? Ouais, j'ai compris, ouais. Sauf qu'il y a un problème de paternité. Et sauf en même temps, j'ai en même temps une fierté. Ça veut dire. Il y a un problème de responsabilité aussi. Justine, Ludo, tu dis qu'il y a un problème de fierté? Bah oui, aussi, parce que je suis un homme, mais pour moi, un enfant, c'est, faut l'assumer aussi jusqu'au bout, quoi. Donc, oui. Je peux pas me permettre de, maintenant, c'est là, mais comme on dit, voilà, j'ai quand même le cul en peau de chaise. Donc, d'un côté, donc, j'ai ma nana officielle et donc, Justine, donc, qui est tombée enceinte dernièrement, qui me l'a dit, il y a quelques jours. Donc, non, mais ça, voilà, on le sait. Mais maintenant, la situation, le bébé est là, on va dire les choses comme ça. Tu intègres ça, Ludo? Ouais, ben oui, je m'intègre. Ok, maintenant, t'as une copine régulière qui, depuis 6 ans, qu'est-ce que tu fais avec elle? Il va falloir lui dire. Ah oui. Faut être honnête là. Non, mais là, il faut être clair parce que j'ai bien compris, Ludo, t'es dans une démarche de fierté. Ça veut dire que tu veux, même sans vivre en couple avec Justine, tu veux assumer l'enfant, c'est-à-dire le reconnaître. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc tu le reconnais. Donc je pense que là, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que tu puisses le dire avec la fille avec qui tu vis. Tu es d'accord ou pas? Ouais, mais là, ça va être un petit peu plus compliqué, là. Ah, bon. Oui, mais ça, tu t'es mis dans une drôle de situation, mais c'est la réalité. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, là, Ludo et Justine, on va vous mettre un petit peu en antenne et on reprendra un petit peu la température de votre conversation dans quelques minutes. Ludo, Justine, vous raccrochez pas. Dans un instant, on va avoir le double fun sur Fun Radio, c'est ça. Nils Van Zandt, enchaîné avec Don Diablo. Dès que vous les entendez, vous gagnez votre voyage à Paris, tout frais payé pour vous éclater à l'Inox Park avec, entre autres, sur scène, il y a Nervo, Don Diablo, Chucky. Le numéro de téléphone, c'est le 3228, si vous voulez repartir avec le double fun. Restez bien avec nous, on le fait tomber dans quelques minutes. Et on va revenir aussi dans un instant avec Guillaume. Guillaume qui a un besoin d'aide, c'est l'appel à l'aide dans 3 minutes, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LoveInFun. Partez faire la fête pour l'événement électro de la rentrée. Inox. L'Inox Park avec Fun Radio. Inox, put your hands up. Hey. Dès que vous entendez le double fun avec les tubes de Don Diablo, mixé à Nils Van Zandt. It's Nils Van Zandt on Fun Radio. Fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Le 3 septembre. Sur l'île des impressionnistes de Chatou. Avec en DJ set. Nervo. Don Diablo. Nils Van Zandt. Chucky. Tujamo. Et bien d'autres. Prêt pour le grand voyage? C'est le double fun sur Fun Radio. Le son dance floor. 32,28. Service payant. 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Condition sur sport2000.fr. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Tomorrowland présente The Elixir of Life. La compilation 3 CD mixée par les meilleurs DJ. Armin Van Buren, Axwell Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike. Lost Frequencies, Martin Garrix et Yves V. Tomorrowland The Elixir of Life. Disponible maintenant. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. C'est la rentrée des hits chez Micromania. Réservez dès maintenant les meilleurs jeux et bénéficiez de bonus exclusifs. FIFA 16, Call of Duty Infinite Warfare, Mafia 3, Watch Dogs 2, NBA 2K17, Pokémon Lune et Soleil. Sur tous ces titres et bien d'autres encore, profitez d'offres collector exceptionnelles. La rentrée des hits, une exclusivité Micromania. Micromania. Qui vous parlera des jeux vidéo mieux que nous? Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Primigi, pour une aventure extraordinaire. Une aventure née il y a 40 ans. Depuis, Primigi a fait marcher dans le monde entier des millions d'enfants de 0 à 14 ans. Primigi réalise des chaussures uniques en ce qui concerne la qualité des matériaux, l'attention portée aux détails, la variété des collections. Des premiers pas jusqu'aux premières aventures. Choisissez le meilleur. Choisissez la qualité Primigi chez les meilleurs distributeurs de chaussures pour enfants. Primigi, le leader italien pour les enfants. Tous les soirs, 20h-22h. Love in Fun. Fun Radio. Et merci, merci beaucoup d'être avec nous, d'écouter Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. On vous régale avec la nouvelle extension de World of Warcraft, Légion, qui est sortie dans la nuit de mardi à mercredi. Si vous voulez la gagner, 01 42 48 5000 en jouant au défi Fallait pas demander. On le fait après Tal, Are We Awake sur Fun Radio, Love in Fun. Let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. Some new every year. I'm way awake, I'm way awake. Où sont nos je t'aime? I'm way awake, I'm way awake. Time to wake up. So we have to free our minds and find our mission. Sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. Radio. Et je vous l'ai dit, hein, ce week-end, c'est l'événement, hein, l'événement Dance Floor de la rentrée, l'Inox Park. On vous invite, hein, voyage tout frais payé à Paris pour aller vous éclater, applaudir sur scène entre autres Nervo, Niels Van Zandt, Don Diablo. Et c'est une vraie fête, hein, pour y avoir été. Il y a une vraie ambiance. C'est juste énorme, hein, l'Inox Park. Si vous voulez gagner, 32-28 dès que vous entendrez le double fun. Et on l'écoutera là tout à l'heure. Donc notez bien, hein, 32-28. On fait tomber tout à l'heure. En attendant, dans Love in Fun, on lit vos messages régulièrement pendant l'émission parce que vous êtes très nombreux à nous laisser des messages sur le Twitter de l'émission hashtag Love in Fun et sur la page Facebook de l'émission Alice. On a reçu un message de Laura sur le hashtag Love in Fun. Petit moment de détente devant Love in Fun pour me préparer à la dure journée de demain. Et oui, demain c'est la rentrée. Ouais. Et un autre message de Jordan qui apparemment nous a fait un petit colis avec une lettre et des chocobons, donc il nous connaît bien, mais il ne sait pas comment faire pour nous l'envoyer. On fait comment d'ailleurs? 20 rue Bayard à Paris dans le 8e arrondissement. Et ben voilà, c'est aussi la même adresse si vous voulez casser la gueule au doc qui sort à 22h le soir. Ouais, Cassie, moi, bien sûr, Cassie. Ah, parce que j'ai dit ça plusieurs fois, tu te vends. Ouais. Absolument, parce que tu sais quoi, il y a un mec qui est venu me chauffer hier soir. Je te jure. Mais à force de les faire chier, ils ont raison. Moi, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a que de l'amour quand tu sors du studio. Il y a plein de flashs qui crépitent, des autographes. Ah ouais, on sait plus où donner de la tête. Il n'y a personne. Mickaël est avec nous. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Karel. Salut, Mickaël. T'as 20 ans, t'es de Vesoul. Tu connais bien l'émission, Mickaël? Oui, je vous écoute tous les soirs. Ah, depuis la rentrée, il y a l'auditeur du soir qui est avec nous, c'est Cyril. Toujours là, Cyril? Oui, je suis toujours là. Et on t'es en train de faire quoi, là? On a entendu un petit peu de bruit derrière toi? Ah, j'étais en train de parler avec ma mère. D'accord, parce que c'est vrai que vous avez une vie pendant que vous êtes l'auditeur du soir. Tu as mangé ou pas? Non, je n'ai pas mangé, je ne mangerai pas. Tu mangerai après 22h. Tu vas faire comme Doc, tu vas attendre. Il faut dîner le soir. Bah oui, c'est important. Que dalle, c'est bon, c'est rien. Non. Alors, Mickaël, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'amène ce soir sur Fun Radio? Bah, j'aurais voulu savoir si c'était normal que quand je jouis, ça coule au lieu de ça sorte en pression. Ah oui, mais quand on se branle plusieurs fois par jour, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que ça sort plus d'un jet. Oui, il faut un peu d'espace entre les. Hein? Tu comprends ça? Oui. Après, c'est quand je fais l'amour avec ma copine. Oui, mais là. Parce que tu vois comment tu jouis quand tu fais l'amour, toi. Normalement. Parce que ressort, ça coule, mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle, c'est avoir la tête dans le cul, quoi. Non, parce que. Mickaël, tu imagines ça comment, normalement? Enfin, je veux dire, parlons de ton éjaculat. Comment est-il? Grumeau? Comment? Bon appétit. Dans ta tête, pourquoi tu éjacules? Qu'est-ce qui se passe sur le plan physique? J'ai une envie, quoi. Mais ça, je comprends que t'as envie de jouir. Mais ça, c'est pas le problème. Ah oui. Mais physiquement, qu'est-ce qui se passe dans ton organisme? Qu'est-ce qui fait que t'éjacules? Parce qu'il y a beaucoup de aller et vient. Mais c'est où? C'est dans les vésicules séminales. Donc, oui. Effectivement, si tu te masturbes ou tu as des rapports sexuels plusieurs fois, t'as quand même un peu moins de sperme. Et les contractions sont moins fortes, donc tu éjacules moins fort. Si, en revanche, tu n'as pas de rapport pendant 2, 3 jours, 4 jours, l'éjaculation va être beaucoup plus musclée. Donc, ça va partir plus fort. Alors, j'ai une info de dingue. D'accord. J'ai une info de dingue, Mickaël. Oui, j'ai compris. Il faut savoir qu'au moment de l'éjaculation, le liquide est propulsé hors du pénis à une vitesse de 45 km/h. Wow. Bah, évidemment. Hein. T'as, sans déconner. Kassim, tu penses faire plus? Ah, putain, moi, je me fais flasher, c'est sûr. Est-ce qu'il y a déjà eu un record du monde de l'éjaculation la plus lointaine? Oui. Ouais, il y a un record, l'éjaculation, c'est à 5 mètres de distance. À 5 donc, mètres voilà, le t'as plus le haut bout du studio, fais gaffe à ta gueule, je crois. Hein. Et en hauteur, c'était quand même à 3,7 mètres et ça a été à 70 km/h, rien que ça. Bon, faut pas s'inquiéter. Cyril, notre auditeur du soir, tu te masturbes de temps en temps? Tout le temps. Ah, tu en apprends des choses. Et est-ce que toi, ton sperme sort en pression ou sort en liquide, pardon? Enfin, pas fort, quoi. En pression. Ça dépend du moment. En pression. Non, en pression. À chaque fois, même 3 fois par jour. Ouais, je te jure. Et tu te fais plusieurs mousses par jour? Oh, Karel. Bah oui, Karel. Bon, enfin, c'est bon, on pose en des tout questions. En tout cas, on rassure Mickaël, tout va bien. Eh oui, Mickaël, ne t'inquiète pas. Tout fonctionne bien, d'accord? Pas de soucis, t'es rassuré, c'est un médecin, qui te le dit. Hein. Okay. Oui, bah, ça me rassure. Hein, et un médecin qui fait beaucoup l'amour en ce moment. Salut mon pote, salut Mickaël. Salut la famille. Ciao à toi. Le double fun dans pas longtemps, je vous l'ai dit, et Guillaume, 19 ans de Nantes. Bonsoir Guillaume. Salut Guillaume. Salut. L'appel à l'aide avec toi, Guillaume. Tu nous as écoutés. Tu t'es dit, putain, il faut que j'intervienne dans Love in Fun. J'ai besoin d'aide. Pourquoi? Ouais, en fait, on a un groupe de potes et on a un pote qui est homosexuel et ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que justement, il est en kiff sur un de nos potes. Ah, il drague. Ok. C'est ça. D'accord. On va écouter le double fun et on va en parler dans un instant. D'accord, Guillaume? Pas de souci. Tu peux compter sur nous, on est là pour vous tous les soirs sur Fun Radio. 32-28, le double fun, c'est maintenant l'Inox Park, l'événement Dancefloor de la rentrée. Vous gagnez vos invitations, tout frais payant, on vous paye le transport, l'hôtel, l'hébergement. Voici le premier tube du double fun, Unified. Stand up right, 'cause of you. We are a nation through the desire. We are. 20h-22h sur Fun Radio. My feelings can't explain why after all this time you stay on my mind. Double Fun sur Fun Radio. Vous gagnez vos invitations avec transport et hébergement à l'Inox Park. Inox. Le 3 septembre sur l'île des impressionnistes de Chatou. C'est le Double Fun sur Fun Radio. Fun Radio, la radio de la teuf, la radio du son électro, bien sûr, avec Frédéric qui est avec nous, 24 ans, d'Essonne. Salut Frédéric. Salut. Bonjour. Salut Frédéric. Salut. Bonjour Frédéric. Bienvenue. T'es persuadé d'avoir un mec? Eh ben non. Très content. Eh ben super. Eh ben ça me va mieux. Ça va Frédéric? Super. Pourquoi t'appelles? Alors j'appelle pour le Double Fun. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour courant? C'est pour gagner des places pour l'Inox. Ah bon, on en fait gagner, putain? Bah non, c'est pas ça. J'avais pas entendu ça. Ah bon? Non, c'est pas non. Aujourd'hui. C'est les agendas, non? Ah non, oui, c'est ça, oui. Bravo, tu repars avec ton agenda. Agenda, bravo. Super. Ouais, ouais. Pour une belle rentrée. T'es contente? Ouais, super contente. Et tu sais quoi, comme tu nous es sympathique, on va te rajouter un petit autocollant. Ouais. T'es contente? Et une capote. Hein, Frédéric? Ça fait plaisir. Et Frédéric, ça va être énorme, c'est ce week-end. Hein. T'as quoi de prévu ce week-end? Bah justement rien, je suis de repos ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Bah il y a l'Inox ce week-end. Qu'est-ce que t'as entendu sur Fun Radio? Alors j'ai entendu Steve Van Zandt. Unified. Ah, c'est pas Steve, c'est Nils. Steven, pardon. Oh, c'est pas Steven non plus, mais bon, tu sais quoi. C'est perdu. Oh, c'est Van Zandt, arrête. Ah, donc, c'est allez. Dommage. Hein. C'est Van Zandt, ok. Et Don Diablo, One Man Mind. One Man Mind. Et c'est une bonne réponse, bravo. Ah, c'est super. Eh ben voilà, t'es contente, hein, tu m'étonnes. Franchement, ouais, c'est juste. Contente. C'est juste énorme, hein, l'Inox Park. On t'envoie tes invitations, tu vas pouvoir t'éclater là-bas. On prendra des photos ensemble, on se retrouvera là-bas. Il y a pas de souci, avec plaisir. On te fait des gros bisous, Frédéric. Moi aussi. Merci beaucoup de nous écouter tous les soirs. Salut Frédéric. Au revoir. Ciao, gros bisous. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio. On vous rend service, on vous aide chaque soir sur Fun Radio. C'est une des missions de cette année justement qu'on s'est fixée et bah, ça marche plutôt pas mal. Hein. On a déjà des résultats. Ce soir, c'est Guillaume. Il a 15 ans, il est de Nantes. Bonsoir Guillaume. J'ai 19 ans. Ah bah, Guillaume. Ah bah oui. Bah c'est Guillaume au standard qui sait pas écrire le chiffre 5. Hein. Il écrit le chiffre 9. C'est pas grave, t'as 19 ans. Et alors ce soir, tu nous appelles pourquoi? Pourquoi t'as besoin d'aide? Alors en gros, je vous appelle ce soir parce que donc on a un pote très. Enfin, on a un pote. On a un groupe très soudé. Et dans notre groupe à nous, il y a un pote en fait qui a fait un coming out. Et en fait, le truc, c'est qu'il a fait le coming out, mais il l'a fait en même temps en gros en direction d'un pote. Entre guillemets, ou en mode t'es carrément attirant quoi. Sauf que mon pote en question, il est pas attiré par les personnes homosexuelles, quoi, il est plus attiré par les femmes. Et donc du coup il est super mal à l'aise et ça commence à foutre une ambiance de. Enfin voilà quoi. Donc est-ce qu'il est très amoureux de lui parce que. Ah, non, parce que bon, lui il a toujours été un petit peu saute par-ci, saute par-là, mais bon, on voit très bien que lui, c'est un petit peu plus, quoi. S'il pouvait se passer quelque chose, il donnerait tout. Est-ce que vous le saviez qu'il était homo? Vous en avez jamais parlé, mais vous vous doutiez du truc. Quand on connaît bien quelqu'un, on s'en doute. Ouais, mais bon, il avait des petites mimiques, mais il y en a plein, quoi, des petites mimiques qui ne le sont pas, quoi. Donc, bon, enfin, du coup, ça me. C'est pas parce que t'as des petites manières que t'es forcément gay, ça veut rien dire. Mais. Regarde Karel, t'es pas gay, hein. Bah, bien sûr. Non mais franchement, ça veut juste rien dire. Donc vous êtes combien de potes? Vous êtes 4 en fait, c'est ça? On est 4, ouais. D'accord, c'est une bande de potes. Il y en a un qui a dragué un autre pote. Et toi, tu nous as appelé ce soir pour qu'on lui passe un petit coup de téléphone, c'est ça? C'est ça. D'accord, pour lui expliquer que c'est en train de foutre la merde dans le groupe de potes. Son prénom, ouais, son prénom. Ça met du froid, ouais. Ok, son prénom c'est Thibaut. Il est où Thibaut? Thibaut, il est à Sydney. Il est en Australie. C'est ça. Eh ben dis donc, ça va nous revenir cher, cette petite. Il est 7h du matin, là, 8h. Ouais, il est quelle heure en Australie? 8h30 du matin. 4h, ou 5h, je sais pas. 4h. Ah, on va le réveiller, ça va lui faire une douche froide. Eh ben nickel, on l'appelle là tout de suite, Guillaume. On y va, direction l'Australie. On vous fait voyager ce soir. C'est parti. Ça sonne. Ah, bien sûr. Ouais, c'est pas l'Australie, ça. C'est un portable français. Tu sais, on a sous. C'est bon. Allô? Allô, Thibaut? Ouais. Ouais. Allô, tu m'entends? Dis-moi, est-ce que je peux te parler d'un truc ou pas? Quoi? Ouais, vas-y. En fait, tu vois, t'as fait ton coming out. Et ouais. En gros, enfin, Colin, enfin, tu vois, on a un groupe de potes qui est très soudé et tout, donc moi, ça me dérange pas du tout parce que, enfin, on est super potes, toi, y a pas de souci. Mais en fait, quand tu l'as fait, en gros, tu t'es un petit peu plus destiné, enfin, du moins, t'es plus allé voir Colin, tu vois, mais Colin, enfin, lui, il prend ça un petit peu comme du rentre dedans, toi. Je sais pas si tu prends ça comment. Bah, je t'avoue que oui, c'est vrai, on est soudés et tout, mais Colin, moi, voilà quoi. On est assez proches, quoi. Je sais pas si vous l'avez remarqué avec les gars, mais. Bah, si, justement. Donc, je sais pas si. Je voulais pas lui en parler pour l'instant, mais tu comprends que ça me met grave mal à l'aise, quoi. Donc. Ouais, mais. Et puis c'est surtout que j'ai pas envie que toi genre ça fasse un blanc histoire que ça peut te mettre mal à l'aise et puis toi qu'on perd entre potes parce que ça fait quoi, ça fait 9 ans qu'on suit et tout, donc ça serait vraiment entre guillemets chiant quoi, ouais. Entre potes quoi, ouais. D'autant plus que t'es pas là quoi, donc toi je préfère te le dire maintenant que parler derrière ton dos quand on est en France, ouais. Mais voilà. Donc, je sais pas du tout ce que t'en penses. Je t'appelle ça comme ça pour dire ça, mais. On va en parler avec Colin, et puis, Thibaut, il le sait ou, Mais non, on le sait ou pas? Toujours Thibaut, il a une copine. Ah oui. Mais Thibaut, il le sait ou pas? Je pense qu'il s'en doute un petit peu. Mais en même temps, moi ça me fait ça me fout mal à l'aise, j'ai des boules. Seul souci c'est que toi, quand t'as fait ton truc, Thibaut lui était que sa copine, donc il s'en foutait royal toi, mais lui et puis Thibaut il a son Thibaut, son cousin ou je sais pas trop quoi, il est mec homosexuel, donc bon bref, ça c'est un truc quoi. Mais le truc c'est qu'en gros, toi de ton côté c'est autre chose. C'est un mode je sais pas, enfin j'ai l'impression que t'as ton délire qui est ton délire, enfin après ton délire, c'est ton délire, toi. Je l'entends, toi. Je l'entends, c'est ton truc, il n'y a aucun souci. Bon, Thibaut, on vous arrête là parce que là, ça part dans tous les sens. Thibaut, t'es en direct sur Fun Radio, Thibaut. Ouais. Et t'es où ce soir exactement? Là, je suis à Sydney, je suis. Il est quelle heure? Il est quelle heure à Sydney? Il est 4h. 4h de l'après-midi ou 4h du matin? 4h du matin. D'accord. Et t'es dans les magasins? Hein? Et t'es dans les magasins? Pourquoi dans les magasins? Tu nous as pas dit que t'étais dans les magasins? Non, je suis pas dans les magasins. D'accord. Alors, tu as entendu ce que Guillaume nous a dit? Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je pense que je veux que ça reste discret et que faudrait qu'on en parle avec Colin, mais... Non mais attends, ça reste discret, il a pas envie de sortir avec toi. C'est ça qui t'est dit, là. Ouais, mais... Mais quoi? Moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, je voudrais mais que... Mais ça n'a rien à voir, il y a des tas de gens que tu connais, tu couches pas forcément avec eux. D'accord? Ça ne veut rien dire, ça, tu comprends? Bah, attends. Ouais. Non mais attends, t'es pas en Australie, c'est pas vrai. Hein? T'es pas en Australie, c'est pas vrai. Ah si, je peux vous faire... Non, mais non. Est-ce que je vais te dire, il y a un truc, la sonnerie, elle sonnera en France. Quand t'es en Australie, c'est la sonnerie, comme ton téléphone, quelqu'un... Je prends mon portable, quand on m'a appelé aux États-Unis, ça sonnait pas pareil. Tu le sais, ça. Passe-nous un kangourou. Alors, oui, alors, pour être sûr, est-ce que tu peux nous passer un kangourou? Ouais, quoi. Hein, s'il te plaît. Non, mais t'es pas en Australie, parce qu'il n'y a pas de décalage. Non. Dis-nous, bon, t'es où, là? C'est une connerie. Non, moi, c'est une connerie, les gars. Ah non, c'est pas une connerie, il y a pas de connerie. Ah, t'es revenu, bon, ça d'accord. Donc t'es pas en Australie. Non, par contre, c'est un mytho, la tête de Madaron, c'est un mytho. Moi, je sais même pas qu'il est revenu, il est pas revenu. Non mais les gars, arrêtez. Bon, arrêtez. Arrêtez de pipoter grave. Oh, sans déconner, on perd du temps, là. Je suis revenu bon, allez. Temps. Écoute, tu sais que c'est très simple, moi je résume en une chose. Tu peux être homo, tu peux être hétéro. Quand quelqu'un veut pas sortir avec toi, bah tu lâches l'affaire, c'est tout. Voilà. Bah bien sûr. Et puis si ça nuit vraiment à votre histoire et à vos potes, là, ça vaut pas le coup, quoi. Ok. C'est pas que ça vaut pas le coup. C'est que, enfin voilà quoi. Colin, lui, il est hétéro à 100%, donc ça peut pas marcher, quoi. Oui, bah je pense qu'il a compris, Thibaut. Je pense qu'il a compris maintenant. Thibaut, tu n'es pas bête. Eh bah non, mais bon, ça fait chier, quoi. Bah, ça fait chier peut-être, non, mais bon... Non, mais je vais quand même continuer à le chauffer, quoi. Ça fait chier peut-être, mais bon, quand quelqu'un n'est pas homosexuel, il n'est pas homosexuel, donc tu risques rien... Enfin, il va rien se passer. Ouais, bah ouais, ouais. Bon, à moins d'être bi comme Godefroy à l'arrière. Et là, à ce moment-là, tout est possible. Ah ouais, avec Godefroy, tout est possible. Tous les chemins sont envisageables. Les gars, on vous fait un gros bisou. On vous aime très très fort. On vous fait des... Salut. Et surtout, moi j'ai un dernier truc à lui dire avant de partir, surtout un truc tout con. Allez, salut. Je sens que tu allais dire une connerie. Pauline est avec nous. Non, mais attends. Je le sens aussi. Non, mais c'est bon. Arrête de nous prendre pour un con. Hein? Pauline, salut ma chérie, t'es là? Salut, Karen, tout le monde. Salut ma Pauline. Bah voilà, tu vois, on a perdu du temps alors qu'on pouvait avoir Pauline ce soir qui va nous parler de quoi? Eh ben, je me rase pas les poils entre les jambes. Eh ben voilà. Tu vois, voilà. Ça c'est fort. Ça c'est écolo. Et ça c'est écolo. Bravo, Doc. Bien sûr, protégeons la planète ce soir. Et restez bien avec nous dans un instant, on est de retour. Ne bougez pas, il y aura Coldplay avec Him for the Weekend. C'est Love in Fun, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. I'm gonna rock you. Kungs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. C.E.A. Soignez son look pour la rentrée avec la collection enfant C.E.A. C'est adorable. Et soignez aussi son budget avec 3 articles enfants C.E.A. pour le prix de 2. C'est à craquer. 3 articles enfants pour le prix de 2. C'est à saisir dans votre magasin C.E.A. C.E.A. Sur une sélection de produits dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin. Salut, c'est Bruno sur Fun Radio. Vous êtes prêts pour les vacances? Vous avez la liste des soirées à ne pas manquer? Et bien sûr, vous avez votre Sam. Oui, Sam, celui qui conduit, donc celui qui ne boit pas. La semaine prochaine, tous les matin à 8h10, je rembourse les SAM et tous ceux qui auront été prudents. Alors envoyez-moi vos factures d'essence, de taxi, vos billets de train ou même votre nuit d'hôtel à facture@funradio.fr. SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez SAM, le conducteur désigné, sur Facebook.

de ne plus s'épiler. Oui. Elle ne se rase pas du tout. On en parlera dans un instant. Oui. Dites-nous si les filles, vous le faites aussi, vous trouvez ça dégueulasse. Alice, il y a jamais un poil qui... Comment tu sais ça? C'est bizarre. Attends, il faudrait aussi qu'on demande aux mecs. Non, je déteste ça, moi. Il faudrait qu'on demande aux mecs ce qu'ils en pensent. Il y a peut-être des mecs qui aiment ça. Bien sûr, dites-nous, est-ce que vous êtes plutôt touffe ou au contraire pas touffe? Touffe ou pas touffe? À vous de voter, à vous de choisir. 01 42 48 5000. En attendant, on va récupérer Ludo. On vous le dit tout le temps, hein. On ne vous lâche pas. Ludo, je répète, pour ceux qui ne le savent pas, a une double vie. Personne n'est au courant. Il a un plan cul qui s'appelle Justine. Elle est avec nous. Et une femme. Donc voilà, Justine est tombée enceinte. Il y a un... Voilà, elle est enceinte de 3 mois et demi. L'enfant est un être, c'est imparable. Exactement. Et Ludo a appelé ce soir son plan cul Justine pour lui annoncer la nouvelle. Justine, tu es toujours là. Et Ludo, vous êtes toujours là. Vous avez discuté un petit peu en antenne. Ludo ? Oui. Bonsoir Justine. Bonsoir. Bon, alors, on n'a pas beaucoup entendu Justine. Ouais. Alors, non, quoi, quoi. Tu tombes un peu des nues, j'imagine. Tu t'attendais pas à ça, Justine. Un peu beaucoup. Justine, une question. Il semblait que tu avais une contraception, un implant. Tu ne souhaitais pas être tombée enceinte. C'est pour toi, ce qu'on appelle entre guillemets un accident. Oui, c'est un accident. Oui, et pour toi, c'est aussi une bénédiction car tu es contente de le garder. Bah en même temps, oui, c'était une décision que j'avais à prendre moi et avant tout moi. Qu'est-ce que tu imaginais, Justine? Bah j'avais imaginé plusieurs éventualités. Après, visiblement, pas toutes les éventualités, mais. Oui. Mais la principale, c'est-à-dire qu'ils te rejoignent. Oui, dans l'idéal, oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Pour toi, c'est pas envisageable, Ludo. Tu nous as dit que tu étais avec quelqu'un depuis 6 ans. Et que, voilà, c'était la femme de ta vie, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu envisages, Ludo, de l'annoncer aussi à la femme de ta vie? Parce que si c'est la femme de ta vie, tu peux pas lui cacher quelque chose comme ça. Ouais, mais là, c'est un petit peu compliqué quand même. C'est, déjà, ce serait la femme de sa vie, il aurait pas été voir ailleurs, déjà, premièrement. Oui, ça, tu as raison. Sauf il accepte la naissance de cet enfant. Tu vas reconnaître cet enfant, on est d'accord? On est d'accord. Donc, ça va être officiel. Donc, forcément, un jour, elle va le savoir. Est-ce que tu penses que de mentir comme cela, c'est une façon de protéger le couple, cette fille face au couple qui existe depuis 6 ans? J'ai pas trop compris. Voilà, si tu ne lui dis pas, c'est une façon que tu lui mens, mais en même temps, elle ne le sait pas, pas vu, pas pris. C'est ça. Oui. Tu préfères rester dans l'anonymat. Enfin, je sais pas. Oui. Est-ce que toi, Justine, tu seras tentée, peut-être, tu peux être cash, éventuellement de faire en sorte que cette femme le sache? Ah, après, il est grand, moi, j'ai pas de... Non, mais toi, tu ne feras rien dans... Comme je lui ai dit, je lui impose rien du tout. Ok. S'il veut le reconnaître, il le reconnaît, il n'y a pas de souci, mais c'est pas moi qui irai faire des histoires ou quoi que ce soit. Enfin, après, c'est ma décision, c'est mon enfant, et... voilà, après, c'est lui porte ses couilles ou il les porte pas, mais c'est lui et sa conscience. Justine et Ludo, alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, beaucoup d'auditeurs, voilà, qui voulaient prendre des nouvelles aussi, parce que Ludo était déjà passé à l'antenne hier, et beaucoup de réactions dans tous les sens, sur les réseaux sociaux, et notamment Anaïs au téléphone, qui a 30 ans, elle est de Nice, elle a vécu exactement la même histoire. Alors. Bonsoir Anaïs. Salut Anaïs. Bonsoir à tous, bonsoir Karel, bonsoir Alice. Toi, tu es dans quelle situation? Ta situation était laquelle, toi? Alors, moi, je suis... c'est la même situation, sauf que dans l'histoire, je suis la femme trompée. D'accord. J'ai su que mon mari m'avait trompée et que sa maîtresse était tombée enceinte. Toi? Ah, moi, j'ai fait quoi? On a été séparés 2 mois. Ensuite, on s'est remis ensemble. Mon mari a reconnu l'enfant. Mmh. Et maintenant, l'enfant est avec nous. Et est à la garde exclusive chez sa maman. Mais on s'en occupe comme si c'était une séparation classique. Mais je voulais intervenir par rapport à Ludo qui disait tout à l'heure que par fierté, il allait reconnaître l'enfant. Mais reconnaître l'enfant, c'est pas grand chose comparé à tout ce qu'il va y avoir derrière. C'est surtout être présent, parce que c'est l'enfant qui va en souffrir. Moi, on essaye de faire beaucoup de choses pour ma belle-fille qui a maintenant ça date un peu cette histoire, maintenant elle a 5 ans, mais elle a beaucoup souffert. Elle est suivie par des professionnels parce que elle comprend pas que son papa n'est pas avec elle. Elle comprend pas que il y a eu beaucoup d'histoires au début avec la maman. C'est vraiment compliqué comme histoire. Je voulais ça, je suis pas. Non, mais attends, je comprends, ton histoire est tout à fait singulière. Je ne pense pas qu'on puisse, devant une situation équivalente, transposer la même histoire, les mêmes difficultés. Ça va dépendre beaucoup de la maman, de la situation. On peut pas lui dire comme ça, si tu n'assumes pas, ton enfant va avoir des problèmes. C'est un peu trop compliqué. On peut pas transposer comme ça. Chacun a ses problèmes, mais voilà, c'est, je comprends en revanche ton problème. Ce que tu racontes, notamment les difficultés de cet enfant qui a 5 ans maintenant. Voilà. Anaïs, si tu avais un conseil à donner à Ludo, toi qui as été justement dans la situation de la femme trompée, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais qu'il faut lui dire à sa copine, à sa chérie? Clairement. Ludo, tu entends ça? Ouais, j'entends. Bon. Il risque une séparation, faut être clair aussi. Bah, bien sûr. Attends, surtout un truc comme ça. Si ma copine a réagi pareil que avec l'auditrice là qui est à l'antenne. Anaïs. Avec Anaïs, pardon. Ça serait super, quoi. Au moins. Il fallait la quitter 2 mois. Ouais. Ah bah de toute façon c'est le début de quelque chose d'autre, Ludo. Mais bien sûr. Mais tu es normal. Ludo, tu es au pied du mur là. Tu ne peux pas le contourner. Il faut que tu le grimpes. J'espère que t'as des bonnes jambes ou une bonne détente, hein, parce que là, va falloir bien grimper, là. Ludo, on va vous laisser un petit peu avec Justine. Si vous voulez reparler un petit peu aussi avec Anaïs qui a vécu la même situation. Et on prendra des nouvelles dimanche, hein. On vous rappellera dimanche pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Mais si tu veux, on peut l'appeler, hein, ta régulière, et puis parler avec toi, hein. On va laisser réfléchir. Ah, c'est toi qui choisis, hein. Nous, on va pas s'imposer. Je pense qu'il est pas prêt ce soir, mec. J'ai pas dit pas ce soir, t'as parlé. Lui annoncer tranquillement, poser. Voilà. Ouais, je pense. En tout cas. Bah, évidemment, pas maintenant. Je disais pas maintenant, plus tard. En tout cas, je voulais remercier quand même Justine, hein, qui est restée au téléphone, voilà, et qui sait qu'elle passe à la radio, comme ça. Elle avait le droit de dire non, et elle l'a accepté. Merci beaucoup, Justine. C'est dans 6 mois, le bébé va naître dans 6 mois. Félicitations. On prend la nouvelle quand il va naître. Bien sûr. Et voilà. Et félicitations. Mais Karel enverra les ragés, il y a pas de problème. Bah, il y a pas de souci. Tu sais quoi, j'enverrai même un bon gros doudou. Je te fais des gros bisous, Justine. Et salut Ludo, on se retrouve dimanche soir. Salut à tous les deux. On sera avec Damien dans un instant. Damien, le défi fallait pas demander. Bonsoir mon Damien. Salut. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut Damien. Alors, toi, tu vas faire le défi avec qui, mon Damien? Avec ma mère. Avec ta mère. Donc le défi, c'est d'énerver ta maman. Et qu'est-ce que tu vas lui demander? Je suis à Carrefour, j'ai fait une connerie. Genre t'as volé des trucs, hein, c'est ça? Ouais. Allez, on va se marrer dans un instant, restez bien avec nous. Et puis je vous l'ai dit, on aura du poil ou du sans poil dans un instant avec une auditrice qui a décidé de ne plus se raser. Voici Coldplay en attendant Him for the Weekend. Feeling drunk and high, so high. Qu'est-ce qu'il est bon ce remix, hein? Remixé par Sib, c'était Coldplay, Him for the Weekend. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Et vous êtes énormes tous les soirs avec le défi Fallait pas demander. Ce soir, on va se marrer avec Damien. Il a 14 ans, il nous appelle de Pau. Bonsoir Damien. Salut Doc, salut Karel, salut, salut Ali. Salut. Salut Damien. Damien, c'est le grand soir. Hein, c'est ça. Défi Fallait pas demander pour repartir d'ailleurs avec la nouvelle extension de World of Warcraft, Légion. Moi, je m'éclate avec ça toutes les nuits là en ce moment. Je pense ouais, que tu vas bien t'amuser non aussi. Seulement il s'éclate, mais il est éclaté. Parce oui. Ah bah oui, oui, ça prend du temps. Mais on se fait plaisir dans la vie. Et toi, tu vas maintenant poser une question à ta maman. Ouais, c'est une question qui doit l'énerver. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Maman, tu peux venir me chercher à Carrefour. J'ai fait une connerie. Ah. Oh là, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai volé dans le magasin. Okay. Oh là là. Ok, d'accord. Si t'as besoin d'un agent de sécu, je serai dans le coin, d'accord? Ça va. On appelle tout de suite ta maman qui devrait être ravie de cet appel. Ah. On l'appelle. Ouais. C'est parti. Elle s'appelle Marie-Jo. Marie-Jo. Elle est cool, Marie-Jo? Ça dépend. Ah oui, ça dépend. Ouais. Allô, oui. Allô, maman. Oui, attends, demande là, oui. Faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu viennes me chercher à Carrefour. J'ai fait une connerie. Mais non, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai volé dans le magasin et je suis avec la sécurité, là. Mais t'es con ou quoi? Et il est hyper méchant, viens vite me chercher. Non mais merde, qu'est-ce que je vais faire de toi là? Qu'est-ce que t'as volé? Mais j'ai volé des shampoings, des légumes, des trucs comme ça. Mais t'es malade ou quoi? Mais je sais pas. Non, tu t'imagines pas toi, hein? Tout ça tu fais des soucis là. Bon c'est bon, viens vous chercher. Bon maman, je te passe la sécurité, il me fait peur. C'est la sécurité? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, monsieur Carello, responsable sécurité Carrefour. Oui, oh là là là là. Ah bah là, oui. Là, là, ah bah oui. Bon bah asseyez-vous madame. Asseyez-vous. Vous êtes assise? Oui, je suis assise. Bon, j'ai votre fils dans mon bureau madame. Oui. C'est la quatrième fois. Oh punaise. Bon, alors il a volé cette fois-ci des préservatifs, magazines érotiques, pornographiques. Des préservatifs. Des non, préservatifs. Mais c'est pas possible ce gosse. Ah bah. Les pourris, hein. Ah oui. Ouais. Alors de l'alcool, il a pris deux bouteilles de vin. De l'alcool, non mais où on va? Ah, mais il a pris du bon en plus. Non mais du bon. Et tant qu'à faire. Hein. Ah bah tant qu'à faire, il veut se faire plaisir. Alors quand j'ai tenté de l'interpeller, il m'a dit. Ouais, mais moi je vais faire plaisir autrement, moi. Hein. Oui, mais attendez, madame, parce que quand j'ai tenté de l'interpeller, hein, dans l'enceinte du magasin Carrefour, hein, il m'a dit, je cite, « Essaye de m'attaquer, t'es qu'un PD. » Mais non, il vous a dit ça? Oui, il m'a dit passez-me ça. Passez-me-le de suite. Je vous le passe tout de suite. De suite, je lui retourne la tête. Je vous le passe tout de suite. Allô? Oui, et alors? Eh, c'est qu'un PD, là? C'est quoi, ça? Mais de PD, c'est madame, PD, toi, hein? Madame... Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, j'ai éternué. Madame, ce que je vais faire, ma madame, c'est que je peux pas le garder là parce qu'on va bientôt fermer le Carrefour. Hein. Ouais. Poste sécurité, fermé Carrefour. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener au commissariat. Hein, d'ailleurs, non, attendez, on peut s'arranger à l'amiable. Attendez, mais je crois qu'ils arrivent là. Merde, à l'amiable. Ah, ils arrivent. Ils arrivent. Oh putain. Bon. Il va se faire embarquer. Bon. Au moins, j'irai pas lui emmener des oranges, moi. Ça, c'est clair. Il peut aller se faire foutre. C'est votre fils. Je vous le passe le. Allô? Oui. T'es content là qu'on vienne te chercher? C'était une saloperie, hein? T'en as goûté au moins du whisky. Moi je vais te faire vider la bouteille. Mais en plus, il faut que tu payes les préservatifs. Les préservatifs? Non mais dis donc. Madame? Tu les reposeras tes préservatifs. Madame, hein. Vous m'entendez? Vous êtes connectée? Oui, je suis connectée, oui. Je suis toujours connectée, là. Hein. Bon, alors, vous savez que la France est au courant, madame. La France est au courant? Oui, la France entière, au madame. Au courant de quoi? Bah, là, au courant du vol de votre fils, hein, la France entière. La France? Non, mais ça va pas au courant. Vous êtes... puisque vous êtes... attendez, oh, wow. Marie-Jo, vous êtes en direct sur Fun Radio, Marie-Jo. Oh, c'est blagueur. Et oui, Marie-Jo. Je lui tords le cou. On ne tue pas son enfant, Marie-Jo. Avec le sourire, c'est cool. Il est content, Damien. Vous venez de vous faire piéger, Marie-Jo. Ouais, ouais, je suis content, merci. Vous êtes dans Love in Fun avec Doc, avec Ali. Je m'appelle Karel. Oui. Du sourire, ça fait tellement du bien. Non, je n'ai pas volé à Carrefour. Ni volé de préservatif, ni rien. Marie-Jo, vous êtes un petit peu lâchée quand même sur Damien. Grave. Ah, mais normal. Ah, bah vous étiez bien énervé. Hein. Ah, bah grâce à vous, Damien repart avec son extension de World of Warcraft. Bravo. Marie-Jo, est-ce qu'on peut. J'ai gagné. Ah, il est content, Damien. Ouais, il est content là. Je vais pouvoir récupérer la nuque comme Karel. Marie-Jo, est-ce qu'on peut vous faire un gros bisou? Oui, vous pouvez. On vous fait un énorme bisou. Ah, vous avez été fantastique, Marie-Jo. On vous embrasse tous. Bravo, Damien, t'as assuré, hein, comme un champion. Merci. Si vous aussi voulez participer et faire le défi, fallait pas demander, il suffit de nous appeler 01 42 48 5000. C'est tous les soirs dans Love in Fun. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio et Bradley dans un instant, 20 ans d'Angoulême. Salut Bradley. Salut Karel, salut Doc, salut Alice, salut toute l'équipe. Salut. T'appelles pourquoi Bradley? Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi je me trouve beaucoup plus beau après le sexe. Pourquoi je me trouve beau après le sexe? Et Pauline, 21 ans de Tours, t'es là Pauline? Oui, je suis là. Pourquoi t'appelles toi Pauline? Parce qu'en fait, je ne médite plus l'entrejambe. Et oui, et on veut une photo, bien sûr. Restez avec nous. Voici Bob Sinclair, la superstar Fun Radio. Claire sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Il se passe toujours un truc hein, dans Love in Fun. On a notre auditeur du soir qui est avec nous, c'est Cyril, 16 ans de Châteauroux. Ça va Cyril? Salut. Ouais, ça va nickel. Hein, Cyril, tu nous as dit que tu écoutais souvent l'émission. Oui, oui, très souvent. Cyril, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on peut faire voilà, pour nous envoyer des messages? Sur la page Facebook, le Twitter, Love in Fun, et aussi le mail, loveinfun@funradio.fr, et le Snapchat, Love in Fun Radio. Il est incroyable. Et t'as plus qu'à dire, et Alice vous lit tous vos messages. Et bah oui, et Alice lit tous vos messages. Et d'ailleurs, on a reçu un message de Paul qui nous dit « Hier, j'ai maté toutes vos vidéos sur YouTube et j'ai vu que Doc avait annoncé son mariage avec Kata. » Mais oui, mais bien sûr, ouais, c'est toujours Alors, je voulais te féliciter et savoir si tu allais tous nous inviter pour fêter ça. Bah, évidemment que j'invite tout le monde. Mais attends, là c'est tous les auditeurs. C'est Tristan qui paye là. La grande gueule. J'invite tout le monde, mais finalement, c'est le boss qui va payer. Et un autre message de Jordan qui voulait savoir si c'était possible d'avoir une photo dédicacée de l'équipe. Grave. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va en plus vous envoyer des agendas. Ah ouais. Les agendas pour la rentrée là, parce que on vient commencer cette rentrée. Oui. Avec la joie, la bonne humeur. Ah ouais. Ah, c'est génial quand tu découvres tes profs, tu sais ce que tu voulais pas par exemple. C'est génial. Quand tu vois que t'es dans la même classe. Par contre, il y a des trucs. Je trouve ça top de faire des études. Bah ouais. Enfin, c'est surtout top de te retrouver dans la même classe que la nana que tu kiffais l'année dernière, tu vois, parce que t'as pris une option en plus. Ça c'est. T'es pas forcément en cours pour ça. Enfin bon. En attendant, on va accueillir tout de suite Pauline, qui est avec nous. Pauline, 24 ans, de Tours. Bonsoir Pauline. Salut Pauline. Bonsoir Karel, bonsoir tout le monde. Salut. Salut Pauline. Alors raconte, là, qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce que tu voulais savoir? Eh bien en fait, moi je viens parce que il fut un temps je me rasais. Tu te rasais quoi? Parce que il y a rasé. L'entrejambe, le pubis, au niveau du sexe. Le pubis, exactement. T'avais un sexe sans poils. Voilà, et je suis avec tous les poils aujourd'hui. Et ben, t'as bien fait. Moi, tiens. Oh merci. Alors, parce que vous êtes. Alors, attendez, je vais vous dire pourquoi. Vas-y, Doc. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, c'est l'apanage des films X et des boîtes à partout. Ah, oui. Parce que, mais bien sûr, parce qu'on veut infantiliser les femmes. Et moi, je vous pose la question. Est-ce qu'un sexe de femme adulte est un sexe épilé? Moi, je vous réponds que non. En tout cas, Doc, on sait une chose ce soir, c'est que... Katoche à la touffe. Katoche à la touffe. Elle a un sexe. D'abord, c'était notre intimité à nous. Non, ça ne regarde que nous. Et je ne dirai rien de cela, mais je suis contre l'épilation pubienne. Oui, je l'affirme. Oui, oui, Karel. Bravo. Katoche a un sexe effectivement très volumineux. Arrêtez d'être dans l'excès. J'aime les poils. Non mais attends, après que les filles se rasent les jambes et au niveau des cuisses, je le comprends très bien quand il y a des poils. Mais alors bon, voilà. On lance le débat parce que Pauline, il y en a qui aiment la touffe et il y en a qui n'aiment pas la touffe. On a Julien qui est avec nous, 30 ans de Cambrai. J'aime bien qu'il y ait des filles qui nous appellent. Il y a que des mecs. Hein. Ah là les chacals tout de suite dès qu'on parle de poils de touffe, hein, on y est là. Bonsoir Julien. Salut Julien. Salut Julien. Salut. Salut à toi. Parle bien fort dans le téléphone Julien. Et est-ce que tu aimes les poils? Alors tout d'abord moi j'ai horreur de ça. D'accord. Je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce que lors des préliminaires, en l'occurrence lors d'un cunnilingus, avoir le nez dans les poils, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. C'est pas super, c'est vrai. On est souvent avec 2-3 poils dans la bouche. Non, les filles, c'est pas mieux. Non, mais attends, et toi, tu te rases aussi pour que les filles n'aient pas de poils Ah oui, moi. Parce que quand tu vas fureter du côté du sexe. Toi, tu furetes. Oui, fureter. Tu furetes dans le français. D'accord, non? Tu renifles? Quand tu mets ton côté, c'est. Katoche? Ah, c'est bien elle. Ah non, c'est Robert. Non, c'est pas Robert, ça risque pas. Mais voilà, et bon, chercher dans le dictionnaire, fureter. Oui, oui, bien sûr. Et donc, voilà, peu importe. Voilà, moi, je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi les garçons veulent un sexe épilé, un sexe de petite fille? Mais, voilà. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve que quand c'est tout épilé, à pas un poil et tout, c'est moi, c'est limite, ça me gêne un peu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, quand il y a un petit ticket de métro, je trouve ça cool, quoi. Ça, chacun fait sa coupe. D'ailleurs... Si tu me permets de poser la question à Alice, Pauline. Oui, pas de souci. Bien sûr, on se dévoile. Ah bah, évidemment. Allez, Alice, toi, tu es plutôt quoi? Alors moi, je suis plutôt à rien. J'aime pas les poils, mais en fait, c'est pas du tout pour mon mec ou pour les mecs, parce qu'il a des poils dans la bouche, c'est pas mon problème, j'en ai rien à faire. Mais c'est vraiment concrètement parce que moi, j'aime pas ça. Donc j'aime pas me voir moi avec des poils. Je trouve ça gênant, je trouve ça. T'as le droit, mais voilà. J'ai posé la question. Je maintiens ma question. Chacun fait ce qu'il veut de sa touffe. Mais c'est pas par rapport aux films porno, aux boîtes à partouze ou à quiconque. Moi je parle des désirs des mecs. Oui, pour les mecs, sûrement. Et justement, on a Gaëtan aussi qui est là. Il a 18 ans, Damien. Bonsoir Gaëtan. Salut Gaëtan. Gaëtan. Il a un poil sur la bouche là. C'est Loïc finalement. Salut Loïc. Bonsoir. Salut Karel. Salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Loïc. Alors, t'en penses quoi toi, Loïc? Alors moi directement, je trouve ça super dégueulasse. Je suis, je maintiens. Non mais j'imagine bien au moment des préliminaires. Je pense à l'autre auditeur. Au moment où on enlève la petite culotte directement, où on voit l'arrêt effectivement qui est un peu touffu. Hein, l'arrêt touffu. Vas-y, j'ai une réponse à faire aussi. Oui. Alors à ce moment-là, c'est original. Soit on lui taille l'arrêt directement, soit on remballe le tout. Non, moi je trouve ça super dégueulasse. Non mais attends, moi je vais te dire. Alors, il y a petite anecdote. Cet été, c'est la première. J'ai une hygiène correcte de ce côté-là, et c'est un bien-être personnel. Après maintenant, je comprends que chaque personne fait ce qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai ma copine cet été. Ouais. Elle m'a demandé, au niveau de mon sexe, de laisser pousser un peu. Parce qu'elle trouvait que ça faisait trop petit garçon. Et d'accord. Par rapport à ce que tu lances, Doc, elle trouvait que ça faisait un peu trop petit garçon. Moi, personnellement, j'ai bien voulu lui faire plaisir, mais j'aime pas trop ça. Après, maintenant, je peux comprendre qu'il y en a qui laissent pousser, qui en aient un petit peu, qui aient une hygiène personnelle, que ça leur plaise ou pas. Après, trop, ça fait pas joli. Attends, du tout. Et se raser, c'est pas une bonne hygiène. Une bonne hygiène, c'est se laver. Après, voilà, attends, faut pas exagérer non plus. Le débat, attention, le débat devient houleux. Calmez-vous, Pauline. Attends. Et quand il y a de l'amour, quand vous aimez vraiment l'autre, vous n'êtes pas dans ces détails-là. Hein, je suis désolé. Quand il y a vraiment de l'amour, ça vous oubliez ces petits détails. Vous baisez pas un sexe épilé. Vous faites l'amour avec une fille. J'ai eu un blocage, moi, cet été. J'ai ma copine qui m'a demandé. J'ai ma copine qui lui a demandé de lui faire un cuni. Moi, à un moment, il y avait des poils, ça m'a bloqué. Mais alors, stop, j'ai un blocage de ce côté-là. Ok. Bon. Alors moi, je vais expliquer ma façon pourquoi aujourd'hui, en fait, je ne m'épile plus. Je m'épilais et en fait, il est que ça peut arriver également aux hommes aussi. J'ai eu un poil incarné qui a fait qu'en fait, je me suis retrouvée avec un abcès. Gros furoncle. Voilà, ouais. Un abcès. Et il a fallu que je me fasse opérer. Donc autant dire que je travaillais à ce moment-là, obligée de ne plus travailler parce que plus de pantalon, plus rien du tout. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis dit ouais non, c'est pas possible quoi. Je préfère laisser pousser. Ça n'empêche pas du tout que j'ai pas du tout d'hygiène. Au contraire, je me lave deux fois par jour. Voilà, ça n'empêche pas. Dans le temps, les femmes, elles étaient comment? Elles étaient poilues, elles connaissaient pas tout ça. Hein. Ah bah bien sûr. À l'époque, je vous conseille aussi. On faisait aussi caca derrière des rideaux à l'époque. Hein. Non mais il y avait des godes en bois, mais bon, on passe à autre chose. Non mais attends, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Il faut pas sur l'hygiène. Faut pas dire n'importe quoi. À ce moment-là, faut vous raser les cheveux parce que c'est dégueulasse les cheveux. Mais oui, si vous n'avez pas la tête coupée tous les jours, c'est dégueulasse. On a compris que Doc aimait les poils. Ça, il y a pas de problème. Une certaine pilosité. Alors, on a Cyril, notre auditeur du soir. T'as un avis sur la question, Cyril, toi? T'es poil ou t'es pas poil, toi? Moi, je suis plutôt poil. Si tu veux, je trouve ça cool qu'on puisse faire des tresses avec et tout. Si t'es quelqu'un de manuel, un petit peu une âme d'artiste, tu peux faire comme Cyril et faire des activités. Je voulais simplement dire, quand il y a vraiment beaucoup d'amour, ces petits détails physiques ont beaucoup moins d'importance. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Ça passe au fur et à mesure, en fait. Voilà. Bah bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Mélanie, de Draguignan? J'ai mon copain qui, lui, préfère les poils. Donc, effectivement, j'ai ce ticket de métro. Ouais. Et lui, franchement, il préfère. Il trouve que sinon, ça fait trop petite fille. D'accord, donc c'est ce que tu disais aussi, Doc. Il y en a plein qui pensent ça aussi. Et le plus important, c'est que vous sentez bien dans votre peau, les filles, avec ou sans poils. Qu'il y ait de l'amour. Exactement. Et bien sûr, après, quand il y a de l'amour, moi, ça me va. Les poils ne repoussent personne, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Non, après, il faut entretenir, c'est tout. Oui, bien sûr, oui. Il faut entretenir son gazon, c'est vrai, c'est important. Et le tondre de temps en temps. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Pauline, je te fais des gros bisous, ma chérie. Merci. Merci, moi aussi. Gros bisous à tout le monde. Il n'y a que dans cette émission qu'on parle de ça. N'allez pas trouver ça ailleurs, je vous le dis, moi. Julien, Mélanie, vous raccrochez pas. Et dans un instant, on aura le chiffre d'Alice tous les soirs. Un nouveau chiffre, Alice, ce soir, on parle de quoi? Eh bien, écoute, on parle des surnoms un peu chelous qu'on se donne entre couples. Des trucs, qui sont un peu honteux, des fois, tu vois. Ah, mon bébé. Non, mais ça passe encore, tu vois, alors que ma grosse cochonne, c'est bizarre. On va en parler dans un instant. D'ailleurs, on vous a mis un petit post sur la page Facebook. En attendant, voici Martin Solveig et Do It Right. Fun Radio, DJ qu'on adore, Martin Solveig, Do It Right. Le chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. Mais juste avant, on va accueillir quand même Bradley. Il a 20 ans, il est d'Angoulême. Bonsoir mon Bradley. Salut Bradley. Salut tout le monde, salut Doc, salut. Salut Bradley. Salut. Alors, Bradley, on est très content de t'avoir sur l'antenne parce qu'on va parler d'un vrai truc important. Moi, j'ai plein de questions à poser à Doc à ce niveau-là. Raconte-nous tout, Bradley. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi à chaque fois, quand une partie de jambe en arrière, je vais dans la salle de bain et je me trouve beaucoup plus beau. Mais c'est à chaque fois, c'est tout le temps. Genre et tu te kiffes. Genre je me trouve plus beau, plus musclé, je sais pas à chaque fois. Oui. T'as les yeux de l'amour, mais bon. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que t'es détendu surtout. C'est ça. Ouais. Ça te détend. T'as l'air plus à l'aise, t'es moins coincé dans ton corps. Mais on le voit, par exemple, quelqu'un qui fait l'amour le lendemain, par exemple ici dans l'équipe et tout, on sait si Alice a fait un truc, par exemple la veille, quoi. À quoi ? On le voit dans tes yeux, Alice, mais dans ta façon d'être, ton petit déhanché, je sais pas, mais. Il se passe quelque chose. Genre, t'insinues que j'ai mal aux hanches, quoi. Non, tu es guilleret. D'ailleurs il a raison parce que je pense que lui, il fait pas beaucoup l'amour en ce moment. Du coup, il regarde pour voir qui le fait. Mais regarde, il a l'air un peu tendu. C'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, il paraît, Doc. Oui, mais non, moi, ça, c'est tous les jours. Pourquoi ? Allez, petite guéguerre. Qui baisse le plus ? Oh mon dieu. Ok. Tu sais quoi ? Mais je suis sûr que c'est toi, là, en ce moment, Doc. Oui. Ah oui, ça m'étonne pas. Il le vit mal, d'ailleurs. Ah bah, j'ai eu Katoche au téléphone, elle m'a dit qu'elle en pouvait plus. Elle avait trop souvent. J'ai la chatte au feu, qu'elle m'a dit. Ne parle pas comme ça, je suis rassuré. Qu'est-ce qui se passe ? Toi, t'es médecin, Doc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les manifestations après le sexe ? Tu te sens détendu, t'es moins stressé. C'est des choses assez simples quand même. Donc du coup, t'as plus d'indulgence. Voilà. Et puis il se regarde, il est assez content. Dis-moi, Bradley, quand tu fais l'amour, t'as aussi donné beaucoup de plaisir à la fille. Oui. Et oui, t'es assez content de toi. Ouais. Ben voilà. Il y a ça aussi, les mecs. Et attends, c'est la vie a fait jouir. Du coup, je sais pas si c'est que moi ou s'il y a d'autres personnes dans mon cas. Il y a des mecs qui s'endorment, je te rassure. Oui, non, mais après, moi, je suis pas en train de me regarder dans la glace et à me dire ah putain, t'as assuré. T'es trop assuré, t'es trop beau gosse et tout, machin. Tu vois, qu'est-ce que tu regardes quand tu te regardes dans la glace après l'amour ? Qu'est-ce que tu regardes en priorité ? Ça bite, hein, non, pas forcément, je regarde d'abord mon visage. T'as bien bossé, toi. Je regarde d'abord mon visage et après mon corps. D'accord. Écoute. Après, voilà, quoi. Bradley, mais sois heureux. À mon avis, tu te kiffes et t'as envie de te faire l'amour. Et toi, Alice, après l'amour, qu'est-ce que tu fais généralement ? Je vais boire ou je le réveille. Elle le réveille parce que ça veut dire qu'il a joué, qu'il s'est endormi. Et qu'est-ce que tu fais, toi, Bradley, après l'amour ? Après l'amour, je bois un soda ou. Il rentre chez lui, quoi. Chez moi. Et juste une chose, donc après l'amour, tu sors du lit, tu te barres, quoi. C'est ça, enfin, je vais souvent dans la salle de bain après. Et le câlin d'après, la tendresse, c'est sous l'oreiller. Rien, un petit peu, on va dire. C'est pas sa préoccupation. Véridique, moi, une fois, et franchement. Soyez tendre après l'amour. Les mecs, attendez, quand vous avez tiré votre coup, sortez pas du lit comme des blaireaux. Je vais raconter un truc que j'ai jamais raconté. Véridique, une fois, je fais l'amour à une nana et tout machin, et ça s'était bien passé, et puis la nana, je la vois qui se casse en courant et tout ce machin. Oh, vas-y, j'en peux plus, je vais poser une pêche. je peux t'assurer que je l'ai plus jamais remis, cette meuf. À mon avis, elle s'est fait chier, là. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas. Ouais. C'était de la naille que tu faisais ? Ah non, moi je pratique pas ça, moi j'aime pas ça, moi. Mais attendez, les mecs, quand vous avez fait l'amour à une fille, soyez un peu tendre, après restez avec elle, soyez cool. Mais il y a des filles qui aiment pas ça. Ouais, ça. Si, il y a des mecs aussi. Des mecs, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais. Je supporte pas qu'on les touche après. Non, mais même une fille après un orgasme, parfois elle a tellement été dans un état et tout machin qu'il faut pas trop s'approcher, faut lui laisser le temps de. Voilà, de. C'est ce qu'elle t'a dit, ouais. Ouais, c'est ce qu'elle t'a dit. C'est dommage. C'est ma soirée, je vous emmerde. Il y a 4 ans que c'est arrivé. Moi, je sais que je les fais tous dormir après. Ah, ok, Bradley. Bon, arrête de te la péter. Déjà, le mec s'appelle Bradley, c'est interdit. Grave. Bradley, quoi. Bradley, quoi. Hein, tu t'appelles Thibaut comme tout le monde et tu fais pas chier. Hein, hein. Merci à ma maman que j'aime. D'accord, c'est terminé. Allez, Mr. Cooper, tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Salut. Merci beaucoup. Salut, Bradley. Salut. Le chiffre d'Alice. On va parler des surnoms chelous. T'as posté sur le Facebook de l'émission un truc bien cool. Ouais, une liste avec les surnoms un peu chelous parce qu'il y a 73% des couples qui s'appellent par des surnoms. Donc voilà, on s'est demandé si vous aviez des surnoms un peu chelous. Alors, on parle des surnoms chelous. Moi, j'ai hâte de savoir comment Katoche et Doc s'appellent dans la vie intime. Mon minou. Mon non, petit non, pas des noms ma de gros. Mon gros chat. Peut-être je vais vous le dire. Ah putain, ma grosse verge. Ma grosse catoche. Non, ça c'est pas le genre. Non, voici. On va tout vous dire, nous, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à vous lâcher. Et au standard, à 01 42 48 5000, voici The Chainsmokers, c'est Closer sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop, no, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. The Chainsmokers, Closer sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. Mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça? J'arrête pas. C'est du travail. Je fouille. Le chiffre d'Alice, ce soir, on parle de quoi dans ton chiffre? Eh ben écoute, on parle des surnoms parce que 73% des couples s'appellent par des surnoms. Bah, mais pas vrai. Que des surnoms sympas, hein. Il y a des surnoms un peu bizarres. Pourquoi d'ailleurs, Doc, on est dans le registre de l'intimité. Ouais. Dans l'intimité, on garde ça peut-être un peu de l'enfance. Ou doudou. Mon au doudou, ouais, c'est ça, mais il y en a plein qui s'appellent mon doudou d'amour, oui. Mon bibou. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, Alice, alors, dis-nous tout. Là, c'est une liste spéciale, hein. C'est ouais, des surnoms en fait, j'ai un peu chelous. Les surnoms les plus utilisés et j'ai sélectionné les surnoms les plus chelous. Donc, pour les femmes, il y a chatounette, grosse minoune, ma frézouille, ma bitch, voilà. Oh, ma bitch. Ouais, ma mante religieuse, il y a aussi petite chatte, petit oiseau des îles et le pire pour moi, maman. Oh non, non, tu peux pas avec maman. Exactement. Oui. Et pour les mecs, il y a gros poilu, ma couille, mon gorille, petit cul, croquilou, chochotte, petit sushi et toutoune. Toutoune. Voilà. Bah alors, j'ai pas mis les basiques, hein, bien évidemment. On dirait que tu parles à ton chien. Comment il va, mon toutoun? Bah, ma couille, c'est un peu bizarre. Oui, c'est parfois un peu ringard, faut le reconnaître. Alors, avant de demander à Doc comment il appelle Katoche, Totoche, dans la vie privée. C'est vrai? Oui. Oh, mon amour. Totoche? Je suis sûr que tu dis mon amour. Non. Oui, mon amour, oui. Mon amour? Mon amour. Oui. C'est tout? Là, c'est déjà pas mal, ma chérie d'amour. Ma chérie d'amour. Est-ce que tu dis ma chérie d'amour que j'aime? Oui. Ma chérie d'amour que j'aime plus que tout. On met pas de superlatif dans ces cas-là. On aime, c'est total. Loïc est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir Karel. Salut. Bonsoir le Doc. Bonsoir Alice. Salut. Bonsoir ma chérie d'amour que j'aime le plus au monde. Ça va mon Loïc? T'es d'Arcachon Loïc? Oui, c'est ça. Comment tu l'appelles ta meuf? Alors moi c'était mon ex. Comment tu l'appelles ton ex? Ma pute. Ma pute. Non mais ah bah oui, mais c'est pas étonnant que ce soit ton ex, hein. La pute. La meuf s'est barrée, on comprend pas. Je la comprends, oui. Hein. Mais sans déconner, ma pupute, ça se fait pas. Alice, on appelle pas sa copine pupute. Non, pupute, c'est un peu bizarre, ouais. Bon alors, elle aimait bien. Hein. Elle aimait bien, oui, c'est ça. Oui. Elle aimait bien. Alors, c'est vrai que quand mais on est tu l'as quitté ou elle t'a quitté? C'est moi. Oui. D'accord. Plus. Cyril, notre auditeur du soir qui fait de la radio avec nous là ce soir, t'as déjà eu une meuf, Cyril? Oui, carrément. T'en as une en ce moment là? Ouais. Quel beau gosse. Ouais. Comment tu l'appelles ta copine dans l'intimité? Dans l'intimité, genre juste après l'amour ou pendant qu'on le fait, je l'appelle ma grosse chatte mouillée. Oh ah, c'est hyper choquant. Ah bah oui. Ah, ouais. Ah bah là. Est-ce que tu penses que tu peux réduire la fille que tu aimes, dont tu es amoureux, à un objet sexuel? Oh bah non. Enfin. Mais c'est non. Quand même ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, c'est bientôt ton ex, ça, je te le dis tout de suite. Mon Cyril. Bah non, mais à qui ça? Ah ouais, non, pour mais l'instant. Pour l'instant, avant le drame, tu verras. Marie, 24 ans de Libourne. Bonsoir Marie. Salut Marie. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Tu es très amoureuse, Marie. Très amoureuse, oh là. Oh merde, j'ai fait une gaffe. Il est parti. Ah, pour une célibataire. Bon, et alors tu voulais réagir. D'accord. Parce que t'as quand même eu des mecs dans ta vie. Oui, j'en ai eu, oui. Il y a un truc horrible d'ailleurs, c'est quand t'appelles toujours tes copains ou tes copines de la même manière, tu sais. Grave. Ah ouais, avec le même surnom, c'est pas possible ça. Le bébé, mon cœur. Ouais. C'est alors, quoi ton surnom à toi? Le même surnom que j'ai détesté, c'était ma grosse. Ma grosse, ma grosse. Mais en appelant ton mec? Non, c'est lui qui m'a fait comme ça. Il l'appelait la grosse. Oh là là. Il y a des mecs qui sont d'une finesse. Je rentrais du boulot. Ouais. Je rentrais du boulot et puis c'était salut ma grosse, alors ta journée. Ouais, ou alors ma grosse t'as fait à bouffer là, hein? C'est un peu ça, ouais. Et bah t'es bien content d'être célibataire depuis, non? Ouais. Attends, dis-moi, non, mais attends, juste comme ça. Il t'appelait comme ça, tu lui as pas fait la remarque que ça ne te plaisait pas? Ben si, je lui ai fait plein de fois la remarque. Et un jour j'en ai marre, j'ai fait alors ma couille ta journée. Très bien, mais oui, il faut pas se laisser faire. Si un mec vous fait ça. Il y a un surnom qu'il va pas aimer, vous l'appelez ma petite bite. Ma petite bite. Ça va le calmer direct, le mec. Ah, moi, j'ai une autre question, Doc. C'est réel, c'est pas grave. Hein. Oui, ah bah, j'ai l'impression que tu as encore la rancune, hein, la rancœur. Ouais, quand même, ouais. J'ai une autre question. C'est vrai que quand on est dans l'intimité, tout ça, machin, ouais. Et quand on se retrouve avec d'autres personnes, il n'y a plus les petits mots, il n'y a plus les. Parce que c'est justement l'intimité, bien évidemment. Et voilà, faut pas être ridicule non plus. Bah, parce que c'est. Il y en a qui se le permettent. Hein. C'est-à-dire que t'es en soirée avec un couple d'amis et tout. Ça, mon bébé, mon roudoudou d'amour. C'est vite très très chiant. Hein. Oui, moi j'avais des copains il y a longtemps, ils s'appelaient Cadeau. Cadeau. Ils font quoi, Cadeau? Cadeau. T'as un cadeau. C'est mignon, mais c'est un peu bizarre. C'est dans tes soirées particulières, je pense. Non, hein. Aucune. Héloïse, t'es là? Oui, c'est moi. Salut Héloïse. T'as 21 ans, salut, d'Ardèche. Salut, ma petite Héloïse. Je peux t'appeler mon petit cul? Non, quand même. Mais il paraît que c'est comme ça qu'on t'appelle. Non, pas du tout. Ah, bah raconte-nous alors. Bah, moi, souvent, en fait, je trouve que mon copain a un joli cul, donc des fois, je l'appelle petit cul. Ah, c'est lui que t'appelles petit cul, d'accord. D'accord, okay. Oui. Ouais, petit cul. Petit cul, sinon, lui, moi, comment il m'appelle déjà? Il m'appelle mon amour, ma puce, les surnoms banals, quoi, on va dire. Il est plus glamour, quoi. Voilà. Et toi, Alice, ton mec, tu l'appelles comment? Mon petit camion bleu. Ah, mon petit camion quoi, bleu. Quoi, mon petit camion bleu? Yon, c'est très recherché hein, chez vous, hein, du côté de l'Ardèche. Hein. Bah oui, moi je trouve que c'est très mignon comme surnom. C'est un peu long quand même, mon petit camion bleu. Oui, faut prendre. Lui, il aime beaucoup, donc voilà. Ouais, d'accord. Et toi, Alice, comment tu l'appelles ton mec? Bah, moi, j'aime bien. Je suis très animaux, donc mon petit chat ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est des mots qui n'existent pas. Donc en général, j'ai tendance à l'appeler Grouli. Ça veut rien dire, tu vois. C'est. Ok. Grouli, voilà. Grouni, d'accord. Le... Non, okay. Groudi. Groudi. Groudi. Groudi, Grouda. Tu vois, et Kassim, Kassim, comment tu appelles ta copine? Ah bah non, moi je leur donne des numéros parce que je sais jamais comment elle s'appelle. C'est plus pratique comme ça. Oh là là. Numéro 9. Ah ouais, comme ça je m'emmerde pas, moi. Oh. Putain, et sans déconner, vous êtes un incroyable. Moi je l'appelle mon cœur. Oh. Oh là là. Le pire, c'est les gens qui disent juste cœur. Je sais pas si vous avez déjà rencontré. Oh, cœur. Alors ça, c'est trop. Ça, ah, cœur. C'est trop gentil, je m'y attendais pas. Ouais. En tout cas, c'est l'amour qui parle quand on parle comme ça. C'est mieux, oui. C'est ça le plus important. Choisissez bien vos surnoms quand même. Hein. Faites pas les cons. Mon petit camion bleu, c'est pas possible, Héloïse. Hein. Il va falloir me changer ça. Je te fais un gros bisou, en tout cas, Marie, Loïc également, et puis Alex. Alex est avec nous. Alex, 21 ans de Paris. Bonsoir, Alex. Salut. Bonsoir, l'équipe. Salut, comment Alex. Ça va, Alex? Ça va et vous? Bah super bien, écoute, en pleine forme là avec vous. On reçoit beaucoup de messages là ce soir, je sais qu'il y en a pas mal qui stressent pour demain, c'est la rentrée vendredi aussi, et ça fait du bien de se marrer, c'est les messages qu'on lit là. Merci en tout cas d'être avec nous. Alex, t'appelles pourquoi toi? Alors moi j'ai surpris ma copine en train de se curer le nez et j'ai cru apercevoir un mouvement vers la bouche. Ma copine mange ses crottes de nez. Voilà. Restez avec nous, voilà. Ah putain, c'est énorme ce soir. Voici Kungs, Don't You Know, sur Fun Radio. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you know. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes tous les bienvenus sur Fun Radio. Il y en a plein qui changent leurs habitudes. Là, c'est vrai que c'est la rentrée, on goûte, on essaie, voilà, d'autres tentations, des nouvelles radios. Tiens, je me branche sur Fun Radio, mais c'est sympa. C'est vrai que c'est une famille. Bah oui, on est une famille tous les soirs sur Fun Radio. Je m'appelle Karel. Il y a un médecin qui est avec nous tous les soirs. C'est Doc. Oui. Elle est magnifique. Oh. Chaque soir, je craque. Oh. C'est Alice, bien sûr. Salut. Godefroy est à la réa. On a Kassim à la prod. Ouais. C'est le producteur de cette émission. C'est ça. Ouais. Le mec était à la réa. C'est ce qui t'attend, Godefroy, dans quelques années. Espérons. Ça fait rêver. Tu veux piquer sa place à Kassim bientôt? Ouais, je veux. D'accord. Et Cindy Guillaume au standard qui décroche toute la soirée. 01 42 ouais. 48 5000. On va accueillir Alex. Alex dans l'émission. Il a 21 ans de Paris. Bonsoir, Alex. Salut l'équipe. Salut. Comment Salut. Tu vas, Alex? Bah écoutez, ça va et vous? Ah bah nous ça va, mais toi t'as dû être choqué quand même. T'es très amoureux là. Bah oui, je suis amoureux, mais du coup ça me dégoûte un peu quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, bon. Alex? Bah je sortais de la salle de bain, elle était sur le canapé en train de regarder son film, et en fait je l'ai aperçu en train de curer son nez, de sortir un gros truc de son nez, et j'ai cru apercevoir un mouvement vers la bouche, mais je suis pas sûr. Elle mange donc ses crottes de nez. Oh sûrement. C'est dégueulasse. Ça s'appelle du producteur au consommateur. Non, mais alors, la vente directe. Attends. Les bienfaits de la crotte de nez, Doc. Qu'est-ce qu'il y a dans une crotte de nez? Bah, il y a des sécrétions qui étaient d'ailleurs dans ton nez. Oui. Et qui vont dans ta bouche. Donc, ça revient un joint à peu près le même endroit. D'accord, mais sachant qu'il y a pas mal de sécrétions nasales qui vont dans l'arrière-gorge et dans ton digestif. Donc, ça, c'est pas très grave. C'est simplement, voilà, c'est un peu rebutant. Mais alors, comment ça se forme une crotte de nez Bah alors déjà, il faut savoir que ton nez, c'est l'organe premier organe respiratoire qui doit réchauffer l'air, l'humidifier, donc il y a des sécrétions, et retenir les impuretés. Donc forcément, il y a au niveau de la muqueuse, des sécrétions de liquide. Mm-hmm. C'est très important, il faut humidifier, parce que l'air, il va aller dans tes poumons, s'il n'est pas humidifié, tu ne respires pas bien. Mais en revanche... ça peut de temps en temps effectivement sécréter un peu plus et donc ça donne des crottes de nez. Mais alors les crottes de nez quand on est petit, genre 4-5 ans, on peut les manger, enfin je veux dire il y a plein d'enfants qui c'est pas le dangereux font, de les manger, c'est dégueulasse à voir, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Ouais, ouais. Qui font des boulettes, qui oh. Ah oui, on peut s'amuser avec, dis donc. Bien sûr. Et Alex, masturbatoire. Et est-ce que ça te rassure? Auto-érotique. Est-ce que ça te rassure déjà? Ce n'est pas dangereux pour sa santé. Ouais, c'est pas dangereux, mais c'est dégueulasse. Quoi. Enfin, est-ce que tu lui as dit au moins? Ouais, je lui ai dit, je lui ai dit, mais t'es sérieux, bon. c'est dégueulasse. C'est sérieux, Alex, les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce que toi, de temps en temps, tu fais pas des petites choses dégueulasses dans le genre? Des tues l'amour. Est-ce que toi, t'as pas. Jamais, ouais, jamais. Non. Tu t'es jamais mis le doigt dans le nez? Je me ronge les ongles pour faire des gars, non, je me mouche. Et tu les mets où les ongles après? Je les avale. Reconnais que c'est tout aussi dégueulasse. Ah oui. Non, mais ouais, je me ronge les ongles après. Enfin, c'est vrai que ça va. Donc dans elle n'a pas le droit de se bouffer les crottes de nez. En revanche, toi, t'as le droit de te bouffer. Non mais le glamour. Je n'avale pas les ongles, je rigolais. Genre, t'es hyper amoureux de ta meuf et là tu la vois bouffer une crotte de nez. Enfin, je veux dire, ça change tout. Propose-lui une des tiennes et tu verras si vraiment elle est Kassim, qu'est-ce que tu voulais dire, Kassim? J'allais dire, tu peux lui proposer un truc à ta meuf. Moi, je sais que quand je me couche, par exemple, je prends une crotte de nez dans ma chambre et je la jette dans ma chambre et je l'entends tomber sur le sol. Oh, c'est non. Rigolo. Ah, le mec, c'est vraiment un porc, sérieux. Il y a plusieurs choses à faire avec ces crottes de nez. Alice, un peu de glamour. T'as jamais fait ça? Alors, moi, concrètement, je ne sais même pas quel goût ça a une crotte de nez. Parce que je sais qu'ils font des bonbons comme ça, goût vomi, goût crotte de nez, mais je ne sais même pas. Donc, non, c'est pas du tout mon délire. Cindy au standard. Cindy, les crottes de nez, est-ce que c'est quelque chose que tu vis dans ton couple, par exemple? Ah non, bah. Car elle en a dit plus, mon couple. Mais attendez. Cindy, c'est toi qui nous relance, là. Cindy, elle est avec quelqu'un qui travaille à Fun Radio. Bon, elle veut pas que ça se sache. Mais ça, c'est tout. Pourquoi le monde tu veux pas que ça se sache? Non, mais c'est pas un secret, mais bon. Voilà. Les gens sont pas obligés de savoir. J'ai pas dit qui c'était. Non, Karel, tu m'as promis. Il est barbu. Il est barbu, c'est ça? Bah arrête, il a un peu de barbe. Il a un peu de bobard, ouais. Bah alors, pas de crotte de nez. Non, pas de crotte de nez. D'accord, et pas un petit pet non plus. Non, de temps en temps. Mais c'est la spécialité de Karel. Il m'a dit que quand il était avec sa copine Oli, il pétait grave. Et après, il secouait la couette. Mais tout le monde fait ça, mais non? Mais n'importe quoi. Oh, ça va, un petit peu. Il n'y a que Kassim qui fait ça, c'est pas une référence. Mais non, mais je ne fais pas ça non plus, comme dit Doc. Non, mais voilà, un petit peu, c'est rigolo, ça met tout le monde d'accord. Et puis, une bonne ambiance. Hein, non, t'es pas d'accord, Alex? Ah, c'était dégueulasse, carré. Est-ce qu'on n'appellerait pas ta copine, Alex? Mais oui, qu'on sache. Pour lui dire qu'on a tout vu. Allô, au restaurant, là, j'ai pas envie de la déranger. Bon, eh ben, on te laisse avec ses crottes de nez, alors. On te fait une grosse bise, moi, Alex. Tu reviens quand tu veux dans Love in Fun. Salut à toi. Pas de problème. Bisous, équipe. On va finir l'émission en beauté. Ah oui?

sur Fun Radio. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio tous les soirs, Love in Fun, du dimanche au jeudi, 20h, 22h, c'est votre émission, vous pouvez nous appeler hein, tous les soirs au standard 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous. Oui, toujours. Mais oui, je suis comme là. D'habitude. Alice, bien sûr. Salut. Kassim, ouais. Le producteur de cette émission, voilà. Toujours en pleine forme et toujours une petite vanne. Un petit sourire quand, dès qu'on entend Kassim. Oui, il faut que je dise un truc marrant. Non, c'est pas la peine. On va parler dans un instant d'un sujet grave, je trouve. Mais d'abord, on va vous filer des gros cadeaux. Ça, c'est un gros cadeau. Ah oui, ah oui, non mais ça c'est vrai. C'est quoi, un cadeau, un ça marque le coup quoi. Un agenda, ça marque le coup parce que c'est la rentrée, parce et que ouais. Et alors c'est incroyable. Non mais c'est vrai que un agenda c'est pas grand chose, mais vous êtes comme des dingues. Vous voulez tous l'agenda Fun Radio Love in Fun. Alors sachez qu'il est dédicacé. J'en ai signé un paquet, oui. Ouais, ouais, on a tous signé. Il y a l'autocollant, il y a la totale. On vous fait le petit pack là qu'on vous envoie à la maison. Il y a plein d'agendas à gagner. C'est maintenant. Si vous voulez repartir avec 01 42 48 5000, vous avez 5 minutes pour tout déchirer au standard, exploser. Je veux voir fumer le standard ce soir. Hein. 01 42 48 5000, l'agenda Love in Fun. Notre auditeur du soir, t'en as un ou pas, Cyril, d'un agenda là, tu l'as? Non, pas, j'en ai pas, non. Eh bien, tu l'as. C'est triste. Eh bien, tu l'as. Voilà. Oh, ça, c'est cool. Enfin, tu l'auras dans quelques jours. Tu reprends quand, toi? C'est quand t'as rentré, Cyril? Lundi. Ça va pas Ah oui, toi c'est lundi. Ouais. Bah oui, collège. Ah tranquille, tu fais quoi là pour que... Non mais je croyais que c'était jeudi ou vendredi, moi demain. Mais ou ouais, sauf que moi je suis en bac pro dans le privé et il commence le lundi. D'accord, oh. Ok. Ah, donc quand on a de l'argent, on voilà, reprend plus tard. On a un peu ça. De rab. D'accord, et bah, et profite mon Cyril. On va accueillir Baptiste. Baptiste, 23 ans de Tours, pour un sujet fiste. Pardon. Bonsoir Baptiste. Salut Baptiste. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Baptiste, on t'écoute. Bah du coup moi je vous appelle parce que je sais que vous êtes des grands professionnels, je vous écoute souvent bien pour sûr. Savoir si le fist ça fait mal. Voilà. Ah ben question très simple. Testé et approuvé peut-être par quelqu'un. Donc il s'agit de mettre un point dans l'anus, c'est ça? Oui, ou avec ma meuf ou dans le vagin quoi. Ouais. Tous les trous qui s'ouvrent à moi quoi. Je pense que c'est encore une fois donner au sexe une image de spectaculaire et d'extrême. Je ne sais pas, voilà, c'est une question de plaisir. Est-ce qu'on a... Moi, je poserais la question différemment. Est-ce que des filles prennent du plaisir avec ça ou est-ce que les garçons prennent du plaisir avec ça? Outre le fait qu'il y a un côté exhibition et spectaculaire. Non, mais c'est quand même une pratique hardcore. Enfin, je veux dire, ouais, Alice, toi, on te propose ça, un mec... Ah, moi, ça me fait peur. Ah non, et puis en plus, il paraît que maintenant, on fait ça avec le pied, la tête, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, ça va super loin. Hein. Il y a des gens qui font des head fucking. Oui. Des head fucking. Où est l'érotisme? Bah, il y en a pas quoi. C'est débile quoi. C'est vraiment comme si c'était une performance. Ce n'est pas une performance. C'est complètement con quoi. Ah, et toi, tu pratiques ça, Baptiste? Tu l'as déjà fait? Non, justement, j'avais vu ça dans une vidéo. Du coup, je me suis Dans des films porno, évidemment. Ah oui. Bah oui, j'ai pas vu ça dans un film d'auteur. Hein. Ça, ah bah. un film de KPDP. Voilà, tout à fait. Coup, quand tout à coup, il a mis. Voilà. Ouais, non mais et ça, t'as trouvé ça excitant? Ah, j'ai trouvé le délire pas mal. Ah ouais, putain. Ah, pas du tout. Hein. Mais non, mais attends, c'est toujours le côté spectaculaire. C'est comme l'accident au bord de l'autoroute. Tout le monde s'arrête pour voir s'il y a des morts et s'il s'en coule. Donc c'est un peu de ça. C'est. Bah là, quoi, c'est quoi cette comparaison? Non mais alors, je lance un appel. Moi, s'il y a quelqu'un, voilà, qui nous écoute et qui aime ça, une fille bien sûr. Hein. Oui. 01 oui. 42 48 5. Ou un mec. Ou un mec, ouais. Ah bah oui. Mais je pense que c'est plus facile pour un mec de le faire parce que tu te le prends pas. Il y a peut-être des mecs qui. Bah bien sûr. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah évidemment, hein, vous avez aussi un trou, hein. Ah ouais, ouais. Ah vous l'oubliez un peu, hein. Ah bah ouais. Mais non, mais là c'est quand même gros, quoi. On peut vraiment mettre un truc comme ça. Bah ça, bien sûr. Dingue, quoi. Oui, tu peux toujours. En tout cas, ça fait mal ou pas, Doc? Oui. Bah, ça... Évidemment, ça dit attends. Oui. Oui, surtout à sec. C'est pas fait pour quoi. Et Baptiste, j'aimerais bien voir ta gueule le jour où tu vas l'annoncer à une fille. Ouais, je peux te faire un petit fist, hein? Bah écoute, je prends en photo et je t'envoie ça si tu veux. Ouais, plutôt une vidéo parce que je pense que sa réaction sera sympathique. C'est fini. Baptiste, en tout cas, ça fait mal. Oui, ça fait mal et c'est pas une pratique voilà, qu'on te recommande plus que voilà, ça n'a rien à voir avec la qualité du rapport sexuel et avec le plaisir que tu peux partager. Ça n'a rien à voir avec l'érotisme. C'est de la violence pure et dure. Ou ça peut être ce qu'on appelle un fantasme, un truc auquel on peut penser, mais on le fait pas, quoi. Voilà. Salut Baptiste. Salut, bonne soirée à vous. Salut à toi. On va écouter Calvin Harris. On va dire au revoir dans un instant à Cyril, notre auditeur du soir. J'espère que t'as prévu ta petite dédicace, mon Cyril. Hein. Oh oui, elle est prévue, t'inquiète pas. Eh ouais, tu fais un petit peu de radio, toi? Ouais. Tu feras un petit peu de pub pour ta radio. Restez bien avec nous. Marion Hans, Solo Night Show dans un instant et Calvin Harris, Rihanna. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.